Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Mais qu'est-ce que Critique de Crowd, te diras-tu, si c'est la première fois que tu ouvres la radio? Donc, peut-être que c'est la première fois que tu écoutes CISM. Déjà, je te félicite parce que c'est un excellent poste. Et Critique de Crowd, comme dit le nom, ben je critique les foules. J'avoue que surtout, je me pose des questions. Ça suscite beaucoup de... Oh mon Dieu, de... Bon, ouais, des fois, un peu de malaise aussi, là. Mon Dieu, je rentre déjà dans l'émotion, parce qu'aller dans un sound system tout seul, ça peut susciter des émotions pas si fun que ça. Et oui, pour les habitués de l'émission, d'habitude, je côtoie le rock, mais je suis allée sur la piste de danse cette semaine. Sound system avec Canicule Tropicale. Ben oui, Festival des Nuits d'Afrique offrait, plusieurs événements fort excellents. Et je suis triste que ce soit déjà fini. Il me semble que j'en aurais d'autant plus profité. Mais j'ai eu la chance d'aller voir The Dizzy Brains. Ah, le rock sera toujours de retour à Critique de Crowd. Ben oui, alors, rock de ce cher groupe malgache. Je vais vous en parler longuement. Ils m'ont peut-être moins suscité une question, mais j'ai eu bien du plaisir. Et il y aura trash. Oui, oui, mais quand même de façon particulière. Sur ce, ben écoute, on va commencer en musique avec un groupe que je m'étais pas encore assez attardé. Première sortie en 2015, et là, ils viennent de sortir volume 1 juvénile. Tête d'ange de Zen Bamboo. Paraît-il qu'ils sont... qu'ils viennent de Saint-Lambert et qu'ils sont assez populaires et qu'ils le seront encore plus dès la sortie de leur long jeu d'ici la fin de l'année ou 2018. Ça m'a surtout piqué ma curiosité, puisqu'on dit que pour les amateurs de Malajube, ça va bien les satisfaire, ce qui est vraiment mon cas. Alors, j'espère que tout comme moi, vous allez apprécier Zen Bamboo. Je suis une malade, frère, je suis plein, mes belles, mais le corps fléchit sur l'estrado. Maman et mon père et mon problème alimentaire, ce que les mots c'est plus que du charme. Dans son asile de neige, t'es blanche, normal, des charades, du panache et de l'allure, bien sûr. Mais chantez pour des pinettes, chantez pour les murs et que l'écho nous ramène du vrai. Mais les pas s'y s'usent à mesure qu'on s'y plonge. J'ai mille excuses. Et quand ça brasse, quand toute la ville s'entasse, quand tout le monde se passe à compter toutes les chances qui passent dans le couloir à face, de rien vouloir à se compter des histoires. Ah, tu sais que c'est la faute encore. J'ai beau croiser tous les regards en même temps, est-ce qu'on se sent toujours aussi seul, aussi vide, aussi creux? Non, un bisou dans le cou, un bobo dans la joue, fuck it, Dédé est mort. En vrai, t'es où, hein? Oh oui, c'est vrai, qu'est-ce fait? Depuis que la chaleur s'est fait coincer en conserve, réserve beaucoup plus de place pour construire beaucoup plus d'immeubles, couler du béton, faire pousser du métal et creuser des états à la pelle dans son œil. Non, je dorme les pas s'y s'usent à mesure qu'on s'y plonge. J'ai mille excuses pour mille travers qui me rendent en jeu. Et quand ça brasse, quand s'entasse quand tout le monde se tasse. À compter toutes les chances qui passent dans les couloirs à force de rien vouloir escompter des histoires. À qui c'est que c'est la faute encore? Zen Bambou sur les ondes de la marge et vous écoutez Critique de Crowd. Ben oui, qui vous jase du festival des Nuits d'Afrique qui avait lieu du 11 au 23 juillet. Ben oui, comme d'habitude, je suis dans le passé. La dernière était ce dimanche dernier pour cette 31e édition. Et ah, mon Dieu, que je tiens pas mes promesses. Oui, je le sais. Aïe, aïe, aïe, aïe. Parce que je vous ai dit, cher auditeur, la semaine dernière, il y a deux semaines, ah, peu importe le temps, là, mais j'avais dit que je ferais un tour au Balatou. Ça s'est pas passé du tout parce que les shows que je suis allée voir étaient au Théâtre Fairmont et à la Sala Rossa, des salles que je connais bien et qui sont pas nécessairement, là, ben, en tout cas peut-être pas pour Fairmont, là, mais pour la Sala, c'est pas si loin du Balatou, les deux sur son Saint-Laurent. Et ça s'est pas passé. Il y avait des rendez-vous de fin de soirée. Je crois que c'était le repère. Et ah, je crois que je me laisse du plaisir pour les années à suivre de Critique de Crowd. Ouais, je me console ainsi parce que c'est en faisant de la recherche que j'ai réalisé à quel point le Balatou et les Nuits d'Afrique ne faisaient qu'un. Oui, c'est vraiment de là qu'est parti le festival parce que au tout début du club Balatou, ben, il s'est créé aussi le festival des Nuits d'Afrique. Là, on est en 1987 à cette époque-là et même que très rapidement, la portion extérieure va exister en 1990 puis pas loin du Balatou. Non, non, c'était au coin Marianne et Mont-Royal. Ouais, pour vous dire comme justement même la proximité, même quand on est allé vers les shows gratuits et toute la partie marchand. Aujourd'hui, c'est quand même devenu assez gros. Je sais qu'en 95, ça s'est déplacé à la place Émilie-Gamelin, puis aujourd'hui, depuis 2011, c'est au quartier des spectacles. Et on peut voir, oui, quand même l'envergure avec des spectacles à l'extérieur, mais aussi des ateliers, le marché. Il y a beaucoup de variétés. Et dans la programmation aussi, il y a beaucoup de variétés. Je crois que je vais dire le mot regret sans arrêt dans ce micro-ci parce que je regrette vraiment beaucoup de pas avoir vu Razor Jets, qui est du Rocksteady. C'était gratis d'or, toi. Je trouve que l'avantage quand même à découvrir des fois un peu sur le tard, mais oui, je l'avais la programmation, des fois c'est le temps, le déplacement, le temps, surtout le temps, il y a tellement d'événements à Montréal et des fois ben on peut pas juste s'amuser coudonc, ouais. Fait que je le sais que aller découvrir en retard, mais au moins dans les prochaines années, je vais porter un œil attentif à plusieurs noms. Vraiment, là, je vous dis Razor Jets, mais il y avait aussi Del Grease qui font dans le blues créole. Je crois bien qu'ils vont revenir parce que une des têtes d'affiche du festival et qui avait fait aussi la renommée dans les dernières années, ben c'est Amadou et Mariam qui étaient au Métropolis. J'espère bien qu'ils vont refaire leur tour aux Nuits d'Afrique, d'autant plus qu'ils ont été récompensés cette année pour le prix Nuits d'Afrique de la francophonie. Mes félicitations. Je crois que ça devait être un excellent spectacle. Moi, j'avais eu l'occasion de les voir au festival de jazz, un peu sous la pluie. C'était, permettez-moi l'expression quand même, un peu hippie, mais oui, danser sous la pluie et se dévêtir, ça avait été le cas. Je sais pas à l'intérieur ce que ça donne. Par exemple, si vous y étiez, je serais bien curieuse de votre critique de crowd, cher auditeur de la marge. Alors, Facebook, c'est bien fait pour ça. C'est fort agréable. Alors... Alors oui, t'as juste à m'écrire puis ça va me faire vraiment plaisir de te lire. Sur ce, ben oui, le premier spectacle, événement que j'ai vu durant les Nuits d'Afrique, c'était le 15 juillet dernier, Canicule Tropicale, comme je mentionnais, qui était un sound system avec comme invité Quantique, un DJ aussi qui est de l'Angleterre. Et pour connaître un peu mieux Canicule Tropicale, peut-être vous les avez déjà vus, ils ont fait des sets au Divan Orange, je crois qu'ils en ont fait un dernièrement aussi au Jardin Gamelin, mais c'est un duo composé de Philippe Noël et de Clément Jeanne qui... Ouais, font spinner leur vinyle depuis 2010. Et ce que, je crois que c'est le gros point à mentionner, c'est que c'est juste des vinyles vintage qui vont prendre de l'Afrique, des Antilles, de l'Amérique du Sud. Et ils les font jouer comme ça toute la soirée. Et je trouve que déjà, ça amène une belle dynamique de retrouver le vinyle et surtout avec toutes leurs trouvailles, que ce soit en cumbia, afrobeat, calypso. On est là pour danser. Puis oui! Ben oui, de la rumba, puis ça va danser la salsa. Je pense pas que je te gorge de punch à critique de crowd. En te disant que ça va danser la salsa au sound system de Canicule Tropicale. Alors, sur ça, j'avais envie d'écouter Tekken Jeff Facoli. Je le sais, il était en spectacle au Francofolie cette année, mais il a été aussi dans les grandes éditions des Nuits d'Afrique. Alors, j'avais envie qu'on en réécoute avec la chanson « J'ai dit non ». Et pour être bien plus d'actualité, ben, on va passer Wesley, parce que lui, il était dans la prog de cette année. Alors, vas-y, parle la musique. Un couplet pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères, ces soldats tombés dans leur guerre, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ce n'est qu'une chance, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, en chanson, un refrain pour soutenir les frères. Expulsé du territoire français, reconduit, menotté aux frontières, frontières pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers, tradition n'est pas toujours sagesse. Africains, on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. C'est l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher, à quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. Ne benagati fawe, ne benagati fawe. je suis. Tout ce que je vois à la télé, ma vie, de jour en jour devient très compliqué. Je me dis pourquoi je n'arrête pas de consommer. Je me dis pour compagnies qui veulent en profiter. Oh mon gamin, tout ça s'en va. Tu mets ta vie dans ton téléphone. J'enregistre ça sur ma caméra. On achète tout, surtout tout ce qui n'est pas très bon pour nous. On s'en fout de donner à nos bébés partout. On est tous fous. On pense que l'individualisme est en nous. On valorise tout en se laissant tous traîner dans la boue. On regarde où tout ça s'en va. Tu mets ta vie dans ton téléphone. On regarde où tout ça s'en va. J'enregistre ça sur ma caméra. En plus d'avoir entendu Wesley et Tikenja Kafali, vous avez aussi entendu un extrait que vous pouvez retrouver sur le SoundCloud de Canicule Tropicale. Tout simplement, de Afro-Rock, parce que je voulais aussi montrer qu'ils sont assez... ils ont une certaine diversité dans leur genre, dans leur DJ set. Mais je dois bien vous dire, côté Out for a Moment, non. C'était beaucoup plus dansant. On était dans le bon royaume de la salsa. Là, j'avoue que je suis pas la plus grande connaisseur dans le domaine, là, fait que je voudrais pas tout mettre dans une grande valise. Mais oui, c'était bien fait pour déhancher. Uh-huh. Mais danser, se déhancher particulièrement en duo, comme le veut bien la danse sociale. Mais oui, une piste de danse. Et je vous avouerai, chers auditeurs, que moi, à me pointer à 10h30, tu sais, l'événement commençait à 10h, mon premier constat, avant même de regarder la foule, c'est de me dire, ah ben oui, c'est un DJ, c'est une piste de danse. Il y a pas comme un climax, comme... Ça va être difficile. Tu sais, je pourrais pas avoir une critique de crowd parfaite parce qu'il aurait fallu sûrement que je reste là jusqu'à 3h du matin puis voir comment la foule évolue tout le long de la soirée, contrairement à un spectacle avec un artiste sur scène où ça va être une durée de... ça dépend le set, là, évidemment, là, mais entre 30 et 1h30, mettons. Fait que là, je suis arrivée là puis je me suis dit « OK! » Ah ben oui, on dirait que ça faisait un certain temps que j'avais pas visité cette crowd là, une piste de danse. C'est une énergie quand même particulière. Encore plus... encore plus en début de soirée. Tu sais, comme... Il y a même un moment de pas installer en début de soirée, là où on a juste l'intention de danser avec nos amis, ou notre copain, notre copine, ou notre fréquentation, ou notre date. OK, mets le terme de ton choix, parce que je n'ai pas jasé avec tout le monde. À vrai dire, j'ai jasé avec personne. Jasé avec personne parce que Critique de Crowd était seule et elle a été complètement observatrice de Crowd. Là, oui, il y a une certaine lenteur en début de soirée. Même pas la gêne, juste comme... La soirée est encore jeune et l'expression s'applique très bien. On n'est pas pressé de s'installer sur la piste de danse, donner nos plus grands moves de notre vie parce qu'on a des heures devant nous. Il y a beaucoup de ça, mais j'avoue que je trouve ça beau à observer. C'est comme une fresque humaine. Et en rentrant, ben ouais, tu sais, la piste de danse est pas pleine de pantoute, autant dire vide, autant dire... Tu sais, toutes les bancs, il y a quand même... L'espace est particulier au Théâtre Fairmount. Tu sais, comme différentes hauteurs. Oui, le coin à droite, il y a vraiment un step, puis après ça, ben des tables, des chaises. Plusieurs ont été enlevées, mais tout ce qui était les chaises plus hautes proches du bord, tout ce qui était collé au mur était resté là. Fait que ouais, ça c'était occupé, merci, là. Il y avait plus un siège de libre certain. Tandis que la piste était encore vide. Peut-être que c'était justement pour shotgunner son siège, comme on dirait, qui va à la chasse perd sa place. Alors, certains même quand la piste a commencé à, oui, être un peu plus occupée, certains couples restaient tout simplement à danser à côté de leur chaise, et je crois vraiment que c'était juste pour pas perdre leur place ou surveiller leur drink et leur sacoche. Ça, c'est une autre théorie, mais ouais, c'est un peu là où ça me biaise, parce que il y a cette lenteur là au début. Il y a peu de gens sur la piste, et encore une fois, la disposition particulière du Fairmount fait que il y a comme une craque au centre pour accéder au bar, et c'était, oui, ça commençait à s'agglutiner, mais juste dans ce coin là c'est vrai qu'il y a un certain intérêt, je sais pas, à rester proche du bar pour commander, la sociabilisation avec le serveur. Non, peut-être pas à ce point là je vous le dis. Là-dessus, c'était très duo. Quelques groupes d'amis, oui, qui sont venus danser, mais qui dansaient. Ah, il était mieux de pas être pair, ce groupe-là, parce que sinon, ça se passait pas. Mais ouais, ça se passe surtout à deux, étant donné le genre musical. Quand je vous dis fresque, c'est aussi pour... Ces petits moments qu'il faut juste être présent pour les voir, et qui, moi, me charment beaucoup, tels que les madames. Ah, oh, les madames prévoyantes. C'est pas des filles, là. C'est rendu des madames. Parce qu'une madame, c'est un sac à souliers. Dans son sac à souliers, elle a amené ses souliers pour danser. Parce que c'est pas les mêmes que pour marcher dans la rue. Ça, c'est les mêmes madames qui ont des sacs à souliers parce qu'ils gardent pas leurs bottes en dedans l'hiver, parce que c'est chaud pour les pieds. Prendre soin de ses pieds. Ah, ben oui, Je trouve ça tout à fait charmant. C'est sûrement vous, peut-être, qui m'écoutez. C'est peut-être vos mamans. Moi, ça ressemble pas mal à ma mère, mes tantes. Je trouve ça charmant, puis je me demande c'est quand dans l'étape de ma vie que je vais être rendue là à me dire qu'il faut que je change de soulier, dépendamment des circonstances, parce que moi, je suis comme pas mal l'opposé en ce moment dans ma vie. Je trouve que c'est un gros paquet de troubles d'apporter deux paires de souliers à quelque part dans la vie. Je suis comme, OK, comment tu fais pour les traîner, là? Si t'as comme besoin d'une valise, quelque chose, là? Non, mais ça prend de la place! Fait que là, je voyais les madames qui se plaçaient, qui s'arrangeaient. Et en plus, il y a quand même, justement, avec les petits steps du Théâtre Fairmount, qu'il y avait des escaliers. Fait que là, t'as les madames qui changent leurs souliers. Je trouve ça bien mignon. Aussi mignon que ce couple qui a bien vainement essayé de danser, parce que... Là, la difficulté des danses sociales, je crois que c'est qu'il y a un peu moins... Ben, je crois qu'il y a une certaine liberté de mouvement, mais il y a une certaine forme de technique, une proximité aussi avec le corps et l'utilisation des mains, des bras. Ouais, fait que tu peux pas tenir une bière puis danser en même temps. Et notre beau couple, il a bien essayé, puis ça va l'air difficile. Ça a plutôt été une courte tentative qui s'est terminée en petit bec sur le chest, puis de « Hey, on va s'asseoir pour boire ta bière, parce que ça marchera jamais. Ça marchera jamais. On pourra pas danser et boire en même temps, contrairement à un show rock. » Ouais, effectivement. Effectivement. Et là aussi que je me questionnais sur la différence entre l'attraction qui peut avoir un spectacle de musique avec un artiste, un DJ set, parce que quand même, il y avait des DJ invités, c'était pas juste une playlist, puis on l'écoute tout simplement pour danser, puis l'attraction est moins présente pour la musique. Ben, je dois quand même avouer que l'intérêt, non, les gens regardaient pas en tant que tel les DJ, ils étaient plus attardés à regarder leur partenaire. Mais la technique, par contre, plus proche il était du boot, j'avais l'impression qu'il était plus meilleur. Bon, ça a l'air, c'est biaisé là, comme terme, meilleur. Mais il y avait une technique plus raffinée de leur danse. C'était plus élaboré. On voyait qu'il avait pris des cours, ce monde-là. Tandis que si on était danse un peu plus style libre, parce que oui, on n'était pas non plus avec des professionnels de la danse. Mais ouais, c'était un peu plus éloigné, justement, un peu plus près du bord. Je pourrais vous dire, hein. Mais pour moi, ça revient au même que, ouais, comme dans un show, les gens qui sont plus énervés sont plus souvent plus en avant. Quand on est un peu moins proche de cette attraction physique qu'apporte la musique, on s'y éloigne. C'est à suivre pour cette analyse. Mais sinon, écoute, on va continuer. On va continuer en publicité, mais je te garde en haleine parce que il y a un concours après les publicités. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Charlie Pouliche. Vous m'avez sûrement déjà entendu dans d'autres publicités telles que CSM, c'est ben cool, et les bartenders, y est bière, miau fun. L'été approche, et quoi de mieux que de nouvelles sorties de disques? Ça tombe bien parce que Slam Disc a de belles nouveautés à vous proposer. Courez sur l'Internet pour vous procurer Lead, le nouvel album double de Smash Hit Combo. Appelez vos amis pour célébrer la sortie de Rippé Rock l'Univers, le plus récent EP de Rippé. Et finalement, annulez tous vos rendez-vous et allez vous procurer le EP Déballer le présent extra de Noé Talbot. Enlevez votre linge et soyez énervés car toutes ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Yay! L'automne marque la fin des vacances, mais pas la fin du fun, parce que tu pourrais animer à CISM. Dépose un projet d'émission d'ici le 11 août et tu pourras peut-être rejoindre la marge pour la saison d'automne. Que tu veuilles faire jouer du jazz, parler d'environnement, de cinéma ou peu importe quoi d'autre, on attend ton projet. Pour plus de détails, visite notre site internet cism893.ca. Turbo-tana, ça va brasser de date et tympan. En direct à tous les vendredis à CISM. Avec Julien, Nick et Donovan, à grand coup d'amour. Les Turbos Tannants, le vendredi de 20h à 21h. Ça brasse encore dans tes shorts. Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.fm. Pour des dimanches dansants, festifs et ensoleillés, c'est à Pique-Nique électronique qu'on se donne rendez-vous cet été. À venir, Chloé, Chus et Sebalos, Lexis, Back to Back, Seb Fauteux, Motor City Drum Ensemble, Roman Flugel, Shanti Céleste et plusieurs autres. Pique-Nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. Passer sa bouche pour le dollar pour le gain, comme un pari avec un chocolat marocain. On a eu des passes difficiles, mais le sort bien. T'aurais pas de la dinde, un petit peu de dinde. Ici Ken Lowe à Claha. Vous êtes très hautement plugué sur CISM 89.3. Avec du Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda, qui vous propose cette semaine. Le Festival international Reggae de Montréal présente sa 14e édition du 18 au 20 août sur le quai du Vieux-Port de Montréal, mettant en vedette Inner Circle, Conscience, Charlie Black, RCD, Ding Dong, Eutana, Sanchez et beaucoup d'autres. Soyez-y! Festival international Reggae de Montréal, les 18, 19 et 20 août au Vieux-Port de Montréal. Achetez vos passes week-end en ligne maintenant au ticketpro.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Salut, ici Maxime Gervais, l'artiste raté. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Pas mal du tout. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bonjour, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd, qui t'a parlé du Sound System de Canicule Tropicale. Et je me dis à moi-même, oui, tout ce qu'il y a bien à retenir de ces pistes de danse, c'est de pas y aller tout seul. Parce que c'était fort, l'inverse d'être invitant. Je me gênais d'aller danser. Et pour être gêné avec Critique de Crowd, faut quand même le faire. Alors, allez-y bien gaiement pour les prochaines années, parce que c'est certain qu'il va en ravoir et en ravoir à chaque édition des Nuits d'Afrique. Mais, là où tu peux y aller, en paire, mais tu pourrais bien y aller seul. Je t'ai dit avant les publicités que j'avais un merveilleux concours et c'est pas rien, c'est 77 Montréal. Ben oui, si tu es fan de Rancid, Dropkick Murphys, X, The Vandals, Madballs, Baltic Souls et bien d'autres. Ben écoute, tu appelles au 514-343-2476. Ça, c'est 514-343, c'est ISM. Les chiffres avec les lettres, c'est merveilleux. Ben, tu risques bien de gagner une paire. Appelle à l'instant pendant que je te passe la F. Ben oui, qui a été dernièrement en entrevue à Ghetto Érudit. Je vous invite à la réécouter parce que c'était fort intéressant. Et ils seront aussi en spectacle ce soir. Si je me trompe pas, c'est au Belmont. Écoute, on en écoute, puis j'ai plein d'autres suggestions à vous faire après la musique. Le next point, le rouillé loin, quand t'as pas de civique. Le loyer pas de civique, t'es juste pressé. Bon, mais c'est un boss en pied stressé, il doit faire son money. Cours pas son run, faut se bouge plus vite. Le next point, le rouillé loin, quand t'as pas de civique. Le loyer pas de civique, t'es juste pressé. Bon, mais c'est un boss en pied stressé, il doit faire son money. Je reste un passant, je reste le même que toi. Le même que lui, le même que je vois devant ma classe. Je me fais face, pas ma vie en pousse, m'a fait passe-temps. M'a laissé rare commise lors de mes déplacements. Je doute pour tout, moi qui croyais connaître la vie. J'ai besoin de calme, en sous les lumières de ma vie. Je laisse des tâches dans et peu importe l'heure, je traîne. Je veille sur les miens et pas attends, je compte plus les frères sur mes mains. Walking in a Babylon, pogné dans la masse. Boy, yo, c'est la fille de l'ange, j'ai pas trouvé ma place. Les boss en marche, dans la pensée de masse. Hey, hey. Walking in the Babylon, la ville me semble sombre. Il est grand temps qu'on réalise qu'on est tous ensemble. Les postes en marche, dans la pensée de masse. Faut sourire à son prochain, faut cesser de porter le masque. Je vais aux gens cramer les autos en masse. Dans ma tête, c'est la folie, je sens que la ville me rend crasse. Dans une routine, je m'enfarge, je veux juste colorer mon quotidien. Page par page, chacun écrit son spectacle. Les postes en poste se dépassent, mais ne parleront pas. Les postes en poste se dépassent, la vie ne parleront pas. Je tâte mon pouls pour la réussite, faut pas de contrat. Parlons-nous, chaque rencontre s'initie. Si parle contact. Cours, cours, faut que tu bouges plus vite. Le next coin de rue est loin quand t'as pas de civique. Mais non, y'a pas de timide, y'est juste pressé. Bon, mais c'est un boss en pied stressé, il doit faire son money. Cours, cours, faut que tu bouges plus vite. Le next coin de rue est loin quand t'as pas de civique. Mais non, y'a pas de timide, y'est juste pressé. Bon, mais c'est un boss en pied stressé, il doit faire son money. Chiffon of my brain cells over and over. Ça bourdonne dans ma cabache, je dis tip la lampe. We getting closer and closer, l'idée fermente. Le peeps dérange, agoraphobique, démarre. J'ai pas trop le choix, mais c'est indubitable, j'suis né dans la ville. Ma routine mal, ça m'oblige à prendre des choix difficiles. On dit qu'il faut partir d'ici, mais mon sac à dos est vide. J'suis pas sorti de l'auberge, j'ai juste 2h30. Assoir sur Saint-Denis, puis ça j'me fond dans les passes. En plus, le plus beau de mes passe-temps, c'est quand t'es très gris. Mais tes pieds, c'est vrai qu'on prend de parti pris. Trop faut qu'on participe pour dire qu'on s'investit. Dog, est trop tard, so. Moi, tu vois, t'es des good dreams. It's all good, we've all seen. Cette face, c'est juste du monde qui te fait que des crêpes. J'avoue qu'y a rien de pire que d'être tout seul la nuit dans ma ville. Sachant que l'insomnie, c'est la seule des femmes que mon lit attire. Sur ce bruit de route, ben oui, vous avez entendu Copa San Ron de Live sur leur album Monsieur Madame. Et ils seront en spectacle ce soir au Belmont, comme je vous disais, avec Roji et Rami B. Je souhaite bien mes félicitations à Stéphane et Thomas que je vais bien croiser à 77 Montréal demain. Alors, amusons-nous bien dans le pit. Je vais plus que le prédire. Je crois bien qu'il va bien avoir de l'action sur le parc Jean Drapeau. Ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et comme à chaque émission, je te suggère bien, bien, bien les spectacles parce que j'aime la foule et j'ai bien envie que toi aussi t'en profites parce que c'est le fun avec la musique en plus. Et ce soir, on n'est pas en manque d'activités, ah, je te le dis, parce qu'à la zone Oma, il y a Sainte-Rose et Fudge. Ben oui, qu'on aime beaucoup à la station. Et ça se passe à la Maison de la Culture, Maison Neuve. Là, je te parle de 77 Montréal, mais écoute, il y a le pré-party au Turbo House avec Jesus Horse, Fitz, Nouchou, ben oui, j'en ai mis même la semaine dernière, et aussi Offset. Il y a encore, oui, des spectacles dans la ruelle Gaboury et Parc Morgan. Ben ouais, je parle encore de mon quartier Hochelaga-Maisonneuve qui organise de merveilleux shows de ruelles. Et cette semaine, c'est les Deluxe. Vendredi, alors je pense que ça va faire trois fois, je te le dis, 77 Montréal. Fait qu'effectivement, ça... Effectivement, sur deux scènes au Parc Jean-Drapeau, de 1 à 23 heures, il va se passer bien de la musique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de poussière, parce que quand on en sniffe beaucoup, ça devient désagréable dans le courant de la journée. Mais c'est à suivre. À la semaine prochaine, la critique de Crowd. Mais si tu es plus de tendance électro, je te suggère bien fortement d'aller voir Daz Mortal au Théâtre Fairmount. Ça risque d'être fort agréable. Et dans la même veine, Tommy Cruise, il va être au Newspeak ce samedi. Par contre, si tu espérais ma bande de punk continuer ta fin de semaine avec du Oray, non, mauvaise réponse parce que c'est déjà complet au Fofone électrique, ce merveilleux spectacle. Dimanche, ce sera tous en jazz funk puisque Cool and the Gang sera à la place des festivals. Lundi, moi j'ai bien aimé le EP de Disposer puis je les ai toujours pas vus en spectacle, ce sera peut-être l'occasion de les voir avec Sweet Dave, Pryors et Teenager, ça se passe à l'ESCO. Mardi, c'est Neurosis et Converge. Pour ceux qui suivent déjà la page Facebook de Critique de Crowd, ben oui, ils ont sorti une nouvelle toune, là, puis j'étais bien heureuse, Converge. Fait que va l'écouter, va apprécier. Tout comme moi, ça risque de te donner le goût d'aller encore plus au spectacle. Mercredi, Navire et Bright Road joueront à la Casa del Popolo. Sur ça, on va continuer avec les merveilleuses chansons du palmarès francophone de CISM. Alors voilà, Willy Van de Rose Fargo. Baby, les excellentes décibels sur les ondes de CISM avec leur chanson Yeux secs, qui se retrouve sur l'album Tight. Et vous avez aussi entendu plus tôt Willy Wonka de Rose Fargo et 22e position, tandis que Décibel est en 4e. Pour tous ces autres beaux chiffres, CISM893.ca. Pendant ce temps-là, t'écoutes toujours Critique de Crowd. En ce spécial, parce que toutes les émissions de Critique de Crowd sont bien spéciales, ben, spéciale Nuit d'Afrique. Et je vous ai dit que la programmation est bien variée parce que, ouais, on n'est pas juste dans le domaine et, bon, le terme, quand musique du monde, tout le monde est bien du monde! Mais reste que j'étais particulièrement excitée par le spectacle des Dizzy Brains parce que ça titillait quelque chose en moi, là. C'est un groupe de rock garage malgache. Et quand j'ai vu ça dans la programmation, je me suis dit, ah, ben là, faut que j'y sois. C'est fou! Je suis devenue fan dans 2 semaines. Au moins, ça m'a laissé le temps de connaître un tant soit peu le groupe avant de les voir en spectacle. Alors oui, groupe fondé par 2 frères, Eddie et Maefa, qui le groupe existe depuis 2011. Et on va se le dire aussi, à Madagascar, le rock, c'est peut-être pas la plus grosse force. Ça reste quand même quelque chose d'underground. Et dans leurs paroles, on parle beaucoup, de politique en quelque sorte, parce que on parle de la corruption au pays, de l'insécurité, de précarité. Mais ça parle, c'est bien sexy aussi comme tune. On pourra revenir plus tard sur le sujet. Mais dans le cas des 2 frères, c'est grâce à leur père, parce que oui, si c'est peut-être pas une grande tendance, le rock là-bas, c'est leur père qui était vraiment fan des Kinks, qui les a fait, amener à découvrir le rock, et eux autres, ils en ont mangé, jusqu'à aller même dans les classiques français, Serge Gainsbourg, Jacques Dutron qui, oui, je vais en passer plus tard, mais ils en font une reprise. Je crois qu'il y a des liens très, très forts avec eux. Mais ils habitent plus là-bas maintenant qu'ils sont rendus en France. Et je crois aussi que ça a pas mal décollé en France, entre autres, en 2015 avec leur passage aux rencontres transmusicales à Rennes. Ce qui est drôle, c'est que le premier spectacle était à Prison de Rennes. Puis après ça, c'était à Grande Scène. Bon, là, c'est le moment que j'aimerais ça que quelqu'un de la crowd y était, là, parce qu'un show dans une prison, ça devait être particulier. Je fais un lien entre prison et police parce que, cher comparse de la marge, Charles Smith qui anime l'excellente et très excellente émission Rock Migratoire tout de suite après la rumba. Ben oui, il connaissait bien The Dizzy Brains et c'est lui qui m'a conté que le groupe... Tu sais, je vous dis peut-être underground, mais sérieux, leurs spectacles finissent tout le temps avec, peut-être pas des émeutes, là, mais ça finit avec des altercations avec la police. Je suis comme, waouh, c'est quand même intense! Je sais pas si ça se fait dans tous les pays qu'ils ont visité, par exemple, mais, ouais, et rumeur, ou du moins, ça leur donne une bonne réputation de badass, fait que... On apprécie bien le tout, parce que oui, ici, au Canada, du moins, au Québec, non, au Canada, Québec, Montréal, tout le kit, je pourrais pas dire Amérique du Nord, parce que je sais au moins que c'est au Canada, c'est leur toute première visite pour Dizzy Brains, et je gâche-tu un punch en se disant qu'il y aura pas de conflit avec la police? C'est à suivre, mais ça donne l'occasion d'écouter Police Control et la chanson Adrénaline. Sans veulent savoir ton nom, ils veulent savoir tout si tu reviens. Où si tu t'en vas à cette heure-là, t'as-tu des preuves de ça? Monte tes papiers pis reste poli, on pourrait t'embarquer. Où si tu travailles, c'est qui tes chums, qu'est-ce que t'as fait de ta soirée? T'as-tu quelque chose à dire, t'as-tu quelque chose à te reprocher? Cherche comme du monde, y'a sûrement quoi que t'as fait de pas correct. C'est quand ta fête pour vérifier qu'est-ce que t'as-tu fumé? On est la loi, nous autres, il faut qu'on soit bien renseignés. S'arrête à côté de toi, il baisse la fenêtre pis ça tend pas la flashlight dans les yeux. Il est 3h du matin, man. J'suis fait, j'aimerais aller me coucher. Y'en a qui disent que c'est pas grave, ils faisaient juste leur job. Qui sont là pour nous protéger, mais enlève-toi ça de dans la tête. Enlève-toi ça de dans la tête, mon gars, ils travaillent pas pour toi. Travaille pour ceux qui ont de l'argent, du pouvoir, ceux qui les payent. Ceux qui te font bâtir des prisons pour mieux t'y enfermer. Au secours la police d'Arsenic 33 sur leur album Il y a des limites à faire dur. Ben oui, toujours à critique de Crowd qui vous parle de la réputation des Dizzy Brains avec la police. Mais oh! ouais, comme je te disais avant la musique, ouais, peut-être pas à Montréal. Saint-Laurent était tout à fait calme devant la Sala Rossa, au moins, parce que c'est vrai que c'est quand même une grande rue, quand même. Fait que non, en face de la Sala, c'était plutôt tranquille. Mais, s'il n'y avait pas d'altercation avec la police, j'avais quand même un certain doute sur l'heure. Ah, ben oui, pour ceux qui sont habitués de l'émission, oui, j'arrive souvent en retard au spectacle, parce que oui, cher rocker, tu commences pas souvent à l'heure non plus, hein, pis ça rime. Mais, c'est vrai que j'avais quand même le calcul. Aux Nuits d'Afrique, je trouve que les choses sont assez tight. Tu sais, ils commencent à l'heure, pis ben, y a pas nécessairement de fin, là, fait qu'on peut pas calculer pour la fin, là, mais en tout cas, ils sont à l'heure pour débuter. Rocker plus Nuit d'Afrique à l'heure, ça donne quoi comme résultat? Fait que j'avais fait mes petites recherches, d'autant plus qu'il n'y avait pas de première partie. Fait que là, ça commence straight avec eux autres, ça laisse pas de marge de temps. Et on m'a dit, arrive à l'heure, Jolene, arrive à l'heure si tu ne veux pas manquer une minute de ce spectacle. Et c'est ce que j'ai fait à peu près, là, il est comme 9h05 et je suis devant la Sala. Et je sais exactement que je ne serai pas en retard au spectacle puisque The Dizzy Brains était sur le trottoir. Tu sais, tu peux pas être en retard à ton propre spectacle. Il y a comme des limites. Fait que, ouais, il était en train de prendre des photos avec des fans. Et c'était pas... ça aurait pu être juste entre amis, là. Mais une vraie belle photo de fans. Pas un selfie, là. Une photo où tout le monde s'aligne, bras dessous, prend l'appareil. Ah non, elle est un peu flou, on va la reprendre. Oui, un instant entre artistes et les gens qui apprécient ce que tu fais comme art. C'était, j'aimais déjà comme l'expérience humaine du spectacle dans un calme camarade. Et surtout, non, il n'y avait pas de police. Et surtout, non, je n'étais pas en retard pour voir The Dizzy Brains. En retard des envahisseurs. Envahisseurs sur les ondes de CISM et tu écoutes toujours Critique de Crowd. Bien à l'heure pour le spectacle de Dizzy Brains où, le temps de monter les escaliers, j'avoue que j'ai manqué le mini micro début de la présentation ô combien officielle du Festival des Nuits d'Afrique. Oui, une personne de l'organisation est montée sur scène et présentée de façon assez protocolaire. Alors, les Nuits d'Afrique est très honorée de recevoir des Dizzy Brains sur la scène et micro bio, blablabla, clap, clap, clap. Ah oui, du clap, clap, clap qui m'a fait réaliser à quel point la salle n'était pas très pleine. Et ça donne vraiment mal à l'âme pour Critique de Crowd parce que, oui, moins de gens, l'expression « plus on est de fous, plus on rit », c'est pas toujours vrai. Puis c'est vrai que je le pense. Des fois, la quantité, la qualité. Mais c'est juste que là... Ça sonne écho quand il y a pas beaucoup de monde à Salle Rossa. Ça change déjà juste ton appréciation auditive, là. Ça sonne écho. Ça sonne un peu local de pastoral, là. Il y a quelque chose de, qui m'irrite, que je me sens pas bien. Je suis moins à l'aise. Mais je suis encore moins à l'aise devant un show de rock assis. Un show de rock assis. Mais que se passe-t-il? Oui, il y a énormément de place. C'est ça l'histoire. L'avant-scène est complètement vide. Il y a là la place pour une foule debout. Dans le fond de la salle, oui, table, chaise, sur les côtés, il y a aussi un petit step à la droite où il y a encore une fois des tables et des chaises qui sont tous occupées ou presque. C'est sûr que quand il n'y a pas beaucoup de monde, on dirait que t'es comme déjà invité inconsciemment à t'asseoir. Tu te dis, pourquoi pourquoi être tout seul, planté comme un piquet, entouré de vide? Ah, c'est sûr, je comprends tout à fait. Reste que, pour moi, ça commençait un peu plus difficilement. Et le silence est d'une présence, là, mais lourde. Je sais pas si c'est aussi la présentation du groupe. Et là, disons que c'est la vie, dans le sens où ils sont... C'est un cas de soir, et cette fois-ci, ils étaient trois, puisque le frère d'Heidi est malade et il ne peut pas être présent pour le spectacle. Oui, il est gravement malade. Alors, c'est même lui qui a dit au groupe de continuer sans lui. Il demandait de faire le spectacle quand même, et sans remplaçant non plus. Alors, pas de base, tout simplement, pour tout le show. C'est sûr qu'on commence pas, hop, la vie, tu sais, avec une annonce de même. C'est pas... t'as pas envie de dire « Yeah! » T'es comme compatissant, puis en même temps, ben, ils sont là pour jouer du rock. On est supposé être là, ben, si ce n'est pas pour avoir du plaisir, du moins pour aimer la musique, aimer le rock. Alors, il y a comme... ouais, c'est sûr qu'il y a une lourdeur supplémentaire, une charge émotive qui s'accumule sur ce silence qui était déjà chargé de l'écho de la salle. Ah ouais, je vous dirais qu'on vivait le moment. On avait une présence en tant que spectateur, même si elle était drôlement cachée, puisque les gens étaient peu en avant à ce moment-là. C'est sûr qu'on pourra jamais oublier qu'il y a un des membres du groupe qui est absent, c'est assez difficile. Surtout pour ceux qui sont des férus du groupe, ben, nécessairement, il manque un instrument. Mais aussi sur scène, peut-être qu'on peut un peu le sentir. Je dis un peu parce que le show est excellent. La présence d'Eddie, le chanteur, est complètement folle. Oh ouais, je crois qu'il y aurait, je sais pas à quel point s'il n'y aurait pas eu un peu d'action dans le spectacle, j'aurais apprécié de la même façon. Mais j'avoue que ça vaut le détour de voir Eddie qui la joue vieux rocker. Il a tout le temps sa main qui tient sa boucle de ceinture et qui la tient. Mon Dieu, on dirait tout le temps qu'il va se baisser le pantalon, là, mais non, ça se passera pas du tout. Mais tu sais, il la tient. C'est sexy. Autant de la façon qu'il agrippe son micro, là, tu sais, pied de micro tenu façon old school. Un air diabolique, surtout qu'il y a une paire de yeux pas possible, tu sais, comme ceux qui ont des yeux qui exorbitent, là. Mais lui, c'est ça, il est capable, tu sais, rentre, ressort de l'orbite, boum, boum, boum. Ouais, complètement. Ses yeux sont hallucinants, et avec les paroles et la rage qui en sort, ah ben oui, il a l'air possédé. Il a l'air gentiment possédé, parce qu'on n'est pas non plus, je sais pas, il chante pas du death metal, là, il chante du garage, là, fait que ça lui donne un air diabolique qui rajoute beaucoup à son interprétation, sans pour autant que tu trouves ça comme complètement maléfique, tu sais. Et justement, il va être avec certaines postures, je sais pas, comme au chanteur de Sex Pistols, c'est quelque chose de à l'attaque. Il est à l'attaque, puis en même temps, il est comme sexy. Il est sexy au point de se déshabiller. Non, pas de son pantalon parce qu'il tient tout le temps sa ceinture. Non, il va plutôt se déboutonner tranquillement, puis finalement, whoop, plus de vêtements. La moitié du band va être en chest, ben autant dire le deux tiers. Là. Bon, ouais, effectivement, le deux tiers va être. va être en chest. Et c'est dans la foule qu'on m'a aussi appris, parce que oui, son attitude sur scène prend de l'ampleur au fur et à mesure du spectacle. Et c'est quelqu'un dans la foule qui m'aura fait remarquer que Eddie prend des shots en cachette en arrière de l'ampli. C'est pour ça que son attitude change un peu. Mais moi, je suis naïve, fait que moi, je pensais que c'était naturel. Bravo, Jolene. Oui, je sais. Bravo. Mais bravo à toi! Toi, spectateur, je t'aime. Je ne te l'ai pas dit et j'espère que t'écoutes la marche. T'as l'air clairement d'un auditeur de CISM. Fait que je te remercie. Toi dans la crowd qui est seul et qui danse en se foutant bien qu'il y a-tu personne autour de toi, parce que toi, là, t'as envie de danser avec Dizzy Brains, puis tu vas danser. Des mouvements larges, t'es décontracté, tu t'en fous, mais surtout ton énergie, cette certaine forme de je m'en foutisme du reste de la foule qui est assise, ben, il s'est entraîné, ben ouais, une clique de 3-4 de se rapprocher, un autre à se rajouter, ah ben coudonc! C'est-tu pas de la crowd? De la crowd debout pour un show rock? Effectivement, fait que je te remercie. Pour moi, je sais pas pourquoi j'appelle ça du courage, mais il y a quand même de quoi de se tenir debout quand ce serait facile de juste s'écraser dans le fond de la salle, s'écraser sur le comptoir du bar, boire ta bière, puis dire « Oh, il y a pas d'ambiance! » Tu sais, si t'as envie de danser, danse. Puis ça, c'est un bel effet d'entraînement. Merci. Merci en quoi? En quoi? Oui, encore à toi. Et ben, on parle de Dizzy Brains. On va passer. Je vous ai dit les l'influence de Jacques Dutronc. Mais c'est pas pour rien, parce que je crois que ça a bien amené à leur popularité. Ils ont fait une reprise des Cactus. On s'en va l'écouter et, oh mon Dieu, ça c'est un message d'intérêt personnel, mais j'ai un cactus chez nous qui est vraiment en train de mourir, genre, il est tout ramolli du dedans, puis il y a comme des cloques d'eau. Alors, si tu es un spécialiste des végétaux d'intérieur, ben, appelle au 514-343-2476, mais ça se peut qu'on n'ait pas le temps de jaser, fait qu'écris sur le Facebook de Critique de Crowd, je vais t'envoyer une photo de mon cactus pendant que tu écoutes les Cactus. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a les cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe aïe, oi oi, aïe aïe aïe. Dans leur cœur, il y a les cactus, dans leur port, il y a les cactus, sous leurs pieds, il y a les cactus. Les cactus, ben oui, les cactus, interprétés cette fois-ci par The Dizzy Brains. Critique de Crowd, toujours à ce spectacle dans le cadre des Nuits d'Afrique. Et Dizzy Brains nous expliquait, parce que je vous ai parlé du silence, et ces silences, comme ceux-ci, étaient aussi une belle occasion pour le groupe de nous jaser. Et c'est ça, ils nous expliquaient que d'habitude, ils ont justement pas l'habitude de de jaser à la crowd, je sais pas, ailleurs dans le monde, mais paraît-il qu'il faut que ça soit quand même expéditif. Tandis que là, le festival leur avait dit « Jouez! Jouez jusqu'à la fin des temps! » ou jusqu'à la réglementation de la ville de Montréal te dit de pas faire trop de décibels. Ça doit être à peu près ça, mais il était... content, ce serait peut-être pas le bon mot, mais ils appréciaient l'occasion de ne pas se dépêcher à livrer toutes les chansons comme une tonne. Mais sûrement que ça doit quand même gagner en efficacité de enligner une chanson une après l'autre dans un rythme effréné, tandis que là peut-être que ça, oui, ça pouvait redescendre. On avait notre courageux danseur qui était là contre vents et marées et contre n'importe quelle histoire, n'importe quel silence et n'importe quelle foule. Mais je crois que oui, ça fait partie de leurs paroles, ça fait partie de leur motivation de oui, être politisé. Ils s'en servaient, ils en parlaient, mais je sais pas, des fois, ça, j'avais l'impression que justement, ils étaient pas encore habitués à jaser, comme c'était pas qu'il y avait des longueurs, mais juste comme, ouais, c'était surtout une volonté de dénoncer. Ouais, ça sentait une grande franchise. Je vous dis tout ça parce que ils ont présenté une des chansons qui, n'était pas ni en français ni en anglais, si je me trompe pas. Fait que c'était plutôt dur de savoir que ça parlait d'une critique sociale à Madagascar des jeunes filles qui marient des vieux étrangers pour leur argent. Ah! Hey, c'est pas le genre de parole qui dit « Ah ben j'ai envie de danser de façon fringante. » Ben oui, j'ai envie de parler des jeunes mariés. Fait que c'est sûr que c'est ça nous rappelle à quel point des fois il y a la contradiction entre le plaisir du spectacle et le fond des paroles. Vaut-il mieux les oublier pour mieux fêter? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est surtout dans la façon de les présenter. Parce que ce serait comme dire « Ah ouais, faut pas garder ce ton hargneux, je sais pas, un show de Rage Again. » Le monde était super énervé. Là, je crois pas qu'il y ait de lien entre le contenu et la façon d'être dans la crowd. Justement, des fois, ça peut amener une rage qu'on a envie de vivre comme un exutoire. C'est juste que là, c'était juste... Je trouvais que ça clashait. Tu sais, c'était comme « Yeah, on part une toune. » Puis en même temps, tu te dis « Oh mon Dieu. » Mais ouais, j'ai quand même, dans ce sens-là, je trouve que ça doit être encore plus une occasion unique d'avoir vu Dizzy Brainz parce que eux-mêmes sortaient de leur cadre habituel. Parlant de cadre, ce sera un lien douteux. Oui, un lien douteux pour vous parler des photographes. Ah! Je le répète. Je l'ai répété plein de fois parce que je capotais. Voyons donc, ça avait aucun rapport. Sincèrement, là, j'ai jamais vu des photographes s'en permettre autant. Tu sais, les photographes, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de foule, tu te permets d'être en avant, prendre beaucoup de place, mettre le flash. Là, il s'assisait sur la scène. Bon, limite, tu sais, même en tant que spectatrice, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir sur scène parce que je me le permettais. Bah, ça te permet un bon angle, une couple de secondes, je te dis pas. Mais là, les deux pieds allongés, j'étais comme, ça se gêne pas par ici. Hey! C'était rendu à un moment donné que il y avait deux photographes, ils s'étaient pognés deux chaises puis s'étaient installés là, assis bien comme il faut. Je me dis ben voyons donc. Mais ça, oui ça déjà que justement le clash entre les paroles puis vouloir danser ou du moins oui s'ambiancer dans la musique, mais le clash encore plus quand il y a quelqu'un genre qui s'installe devant toi et carrément devant toi avec sa chaise en train de prendre des photos, je suis comme OK, non, il y a quelque chose qui se passe pas ici. Non, je trouvais ça, c'était complètement absurde comme façon de procéder. Oh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un photographe qui m'avait autant sorti du monde d'un spectacle. Là. Ça m'avait... Oui, je pense que ça m'a un peu choqué. Pas de gêne, hein, comme on dit, pas de gêne. Et... Hey boy, parlant de Jane, cette fois-ci, ma spontanéité va m'avoir parce que il y aura une grande transformation durant le spectacle, dans la foule, quand Eddie, justement, nous dit, de façon bien officielle, je vous dis, comme le rapport qu'il y avait de verbaliser avec le public, cette fois-ci, c'était une demande, autant dire quasiment une demande spéciale. Et là, il nous dit, alors, allons-nous dans un spectacle de punk, alors nous allons faire un pogo. À le silence, une mouche a traversé la foule parce que personne ne savait ce que voulait dire un pogo, mais critique de crowd était à la rescousse et c'est pour la raison qu'on va écouter. On va écouter Parabellum, ben oui, les fantômes du pogo. Pierre tombale, ils sont tombés hier, brisés comme du cristal. Tous ces amis d'un soir, rencontrés au hasard, partis sans dire bonsoir, une nuit sans crier car. Toujours au premier rang, ils en faisaient des tonnes. Faisant couler que leur sang et finissant à faune. Le cuir carbonisé et les yeux injectés. Ils gueulaient mort au con sur toutes les chansons. Se foutant des questions, aussi bien que des réponses. Ils vécurent leur passion. je suis presque intact. Peut-être qu'un jour je prendrai feu, mettant le contact. En attendant pour eux, je mets le feu à ma guitare. J'espère qu'ils sont heureux, ils nous font. Les fantômes du Pogo de Parabellum qui se retrouve sur l'album Bordel Inside. Ben oui, Pogo! Et Pogo qui a laissé cette foule tout en silence. Ah ben oui! Là, Dizzy Brain disait, ils ont un petit peu bête que le monde ne sache pas trop c'est quoi un Pogo. Mais critique de crowd, comme je disais, était à la rescousse parce que, ouais, quand je dis ma spontanéité m'a dépassé, mais complètement, ma gueule a parti du sol, puis moi, j'avais pas encore réfléchi. Là, j'étais juste en train de répondre au Ben, direct dans la crowd. J'ai dit, ah ouais, mais ici, au Québec, on dit qu'on fait un trash. Pogo, c'est juste pour les Français. Fait que, à ce moment-là, il a réalisé que, non, il faisait pas une demande complètement absurde puis que personne avait idée c'était quoi un pogo. Alors, il a plutôt décidé, oui, comme ça, de me tendre le micro. Il a dit, allez, tu vas l'expliquer à tout le monde. Et je suis pas montée sur scène, mais parce que déjà, il y avait beaucoup d'espace entre la scène et la crowd. Alors, j'ai tout simplement pris le micro et comme un guide 101, j'ai expliqué à la crowd c'est quoi un trash et comment trasher. Je sais bien que dans la foule, il y avait des adeptes de la danse, mais je crois que ça aurait été bien pratique pour certains. Et aussi, ben quoi que le groupe, pour la prochaine fois, ils vont savoir que ça s'appelle un trash. Et là, oh mon Dieu, le chapitre, là, j'étais comme, alors, on va danser dans un pit et la danse s'appelle un trash et il y a différentes techniques. Je vous suggère fortement de pousser votre camarade et de pousser courir puis de sauter. Ça va être bien amusant. Et je me rappelle exactement d'avoir dit ça est bien amusant. C'était vraiment rempli de candeur comme explication. Puis ça marchait. Ça a vraiment bien marché. D'habitude, les groupes qui sont hyper directifs, c'est pas trop mon fort. Enfin, oui. Tu sais, des fois, genre, annoncer un circle pit, c'est vrai que c'est moitié du temps. Je réalise de plus en plus qu'il y a quelqu'un de leader dans le crowd. Fait comme, yo, on part un circle pit, puis il fait le signe, puis tout le monde va courir en rond. Mais aussi, souvent, ça va être le groupe qui va l'annoncer comme un wall of death. Parce que, tu sais, ça demande une certaine forme d'engagement. Cette fois-ci, ben ouais, être directif, tu sais, déjà, ça sortait de nulle part, là. Tu sais, on est parti d'un show de rock assis à « Hey, tout le monde, on va partir un pogo ». Là, tu sais, c'est comme... Il y a quand même eu un clash, tu sais, un peu entre les deux. Puis en même temps, c'était tout le temps sur le même ton, ouais, du rocker ténébreux. Il chante super aigu, puis il parle grave, c'est quand même... Ça c'est particulier, c'est assez magnifique en même temps. Et ouais, tu sais, comme ça sortait un peu comme un pop-up, ça fait pop-up, on va faire un pit. Ah ben, OK. Puis en même temps, c'est vrai que ça se devait musicalement, ça fonctionne. C'est sûr que la chanson des cactus est un peu plus joyeuse et tu as en plus envie de danser que de trasher, mais vous irez écouter leurs deux albums et vous pourrez bien comprendre qu'il y a matière à trash, bien certainement. Un trash bien sympathique. Et justement, pour une crowd qui était peut-être pas nécessairement habituée, le fait que le groupe l'ait demandé a fait en sorte qu'il y en a plein qui ont participé, qui autrement, je suis assez certaine, n'auraient pas embarqué. Si c'était venu de la foule, je suis sûre qu'on aurait été 3 ou 4, tandis que là, ben on était quoi, ben peut-être un peu moins d'une dizaine, mais j'ai envie de dire ouais, que la plupart des gens qui étaient debout ont décidé de s'impliquer dans le pit. Oui, pour... j'allais dire pour faire plaisir à Dizzy Brains, mais aussi parce que, oui, il avait envie d'écouter le band parce qu'il l'aimait, puis il avait envie de participer encore plus. Fait que je suis vraiment contente du résultat, qui avait un sentiment de nœud. Ouais, ça... Pourquoi j'ai l'impression que c'était un trash qui sentait le char neuf? Ouais, ça sentait le neuf! Ça sentait la nouveauté, ça sentait aussi la première expérience. Tu sais, comment on pousse un peu maladroitement, tu sais, pas certain, bou, mais avec beaucoup de plaisir qui prend une certaine place. Je trouvais que le noyau était bien centré avec certaines personnes qui s'agitaient autour, dont moi qui cours puis qui pousse. Aussi des poussements vraiment dans le flanc, quand même. Je veux dire, ça aurait pu tomber juste dans des petites poussade, coup de main sur des épaules qui aurait été plutôt inoffensif. Il y avait une certaine intensité dans le mouvement et vraiment réussi. Non, ça aura pas duré longtemps. Je crois que ça a duré le temps d'une toune, un petit peu plus, un petit peu moins, le temps que l'excitation descende. Mais vraiment, la participation, je trouve qu'il y a pas, j'ai pas d'autres spectacles en tête où ouais, l'invitation du groupe et cette espèce de drôle de momentum, d'explication, de gens qui se connaissent pas décident de jouer le jeu complètement. J'ai adoré parce que c'est vraiment une expérience humaine unique et particulière. Je pense pas que ça crée non plus des nouveaux adeptes là, mais j'aime bien que les gens y ont été ouais, candides comme mon explication. Sur ce, ben écoute, Pogo, ça mérite qu'on te rende encore hommage, Pogo, Violette Pie. Elle a pris son cœur sur eBay, ses bottes et ses fossiles aussi. On m'a dit qu'elle était morte dans une cabine de bronzage, la tête en jaune. C'était bien agréable d'entendre Violette Pie. Et, ben oui, fin du spectacle pour Dizzy Brainz, qui, pour le chanteur, va s'être, roulé à terre. Ben oui, quand même, il a essayé de, marcher sur la tête. Ouais, quelque chose entre rouler puis marcher sur sa tête. L'état d'ébriété, la folie du rock. Surtout parce que il était plus axé à être devant le public, donner une prestation, que s'agiter un peu partout sur la scène, ou tout simplement à la quitter durant le solo du drummer, où il était seul ce moment-là. moment-là sur scène. Et justement, quand la scène est complètement quittée par le groupe, rappel. Mais quand même, je sais pas si c'est encore une fois l'espèce d'énergie quelque peu sexuelle du chanteur, mais au rappel, les gens, ils répètent, d'habitude, je sais pas moi, on dit le nom du groupe, on dit, est-ce qu'on dit souvent encore? Parce que pour de vrai, il y a quand même une certaine crowd de filles qui étaient présentes, puis ils criaient encore, encore. Et je sais pas si c'est dans des clichés, je sais pas, un peu bleu nuit, mais j'étais comme, voyons donc, mais ça me fait... Oui, je me sentais de mauvaise foi. J'étais comme, voyons, pourquoi je trouve ça comme un peu sexuel, comme de encore. Mais oui, encore du Dizzy Brains, ça aura marché pour ce rappel. Et oui, je parle... Je sais pas. Hey, j'espère que j'étais pas toute seule à penser de même comme ça dans la crowd. Je vous en prie, parce que ça, je vais me sentir quand même de mauvais goût. Mais sinon, après le spectacle, tu sais, oui, j'ai parlé des petits shots que se prenait le chanteur sur scène. Mais non, pas très de rock'n'roll. Oui, après le rappel, où ils ont joué une deuxième fois les Cactus. Populaire, merci. Ben, après, ben, ils sont retournés comme sur le trottoir devant la salle. Ils sont tout simplement allés jaser avec la crowd. Et ils étaient droits comme des pics. Vraiment, il était quasiment méconnaissable. Tous les membres du groupe, il y avait quelque chose de très familial, très camarade et très sérieux aussi, de la façon qu'il était dans la foule. Comme quoi, oui, il y a toujours bien des personnages de scène derrière ces bêtes scéniques. Mais ouais, je crois que c'était bien l'occasion de leur jaser. Ils ont l'air très proches de leur crowd, autant au début qu'après. Ou peut-être est-ce simplement parce que j'ai eu ce petit moment d'observation. Et je suis bien heureuse de vous le rapporter sur les ondes de CISM. Justement, c'est la fin de l'émission. Alors, Crowd, si tu as des suggestions, n'hésite pas à les partager sur le Facebook de Critique de Crowd. J'espère qu'on va se croiser demain au Parc Jean-Drapeau. Si tu me vois, dis coucou. Puis je vais être bien heureuse de te donner une bine dans le mosh pit. Et sur ce, oui, je m'appelle Jolaine Ruet. C'est un honneur d'animer sur les ondes. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Salut, petit gars! Bonjour, je suis à la recherche de Amazing Spider-Man 129. Oh, un connaisseur, la première apparition du Jackal, ça va te coûter cher, ça! Je vais le prendre, mais juste s'il est mint, hein? En échange, j'ai Stadium Events. Pour mieux comprendre la culture geek, écoute Les Geeks ont raison, les mercredis à 10h30 à CISM. Chers auditeurs du CISM, on dit de CISM. Sois heureux d'apprendre que la meilleure émission commerciale de la planète arrive sur ton antenne. Meilleure audience au Bénin. Plus de 1500 heures de travaux communautaires. Des gens heureux d'avoir gagné jusqu'à 50 milliards. Alors branche-toi le mardi matin, 7h-9h. C'est nul. Sur CISM. Le festival Artefact de Valleyfield est de retour du 24 au 26 août prochain. Une programmation de feu sur un des plus beaux sites au Québec. Vous verrez sur scène Yann Perrault, Béris, Babin, Elliott Maginot, The Franklin Electric, Geoffroy, La Bronze, Lydia Kepinski, Les Louanges, Caravane, Maxime Gervais et plusieurs autres. De plus, le réseau de transport métropolitain Sud-Ouest vous offre gratuitement le transport vers Valleyfield à partir du terminus en Grignon. Présentez votre billet au chauffeur et voilà, vous êtes en road trip vers un festival inoubliable. Tous les détails sur festivalartefact.com. Les délicates buvettes! Les délicates buvettes! Diantre, le moment n'est point choisi pour être assoupi! Nous honorons les établissements de plaisance de notre délectable présence. Rare celui qui vaincra nos connaissances brassicoles extra! Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Les bartendes, les bartendes. Non, c'est pas tout le temps d'aller t'étendre. Nous autres, on sort dans les plus nice bars. On parle de bière comme personne d'autre peut le faire. Servoise de qualité. Pina. Clavecin. Petit soulier pointu. Cocktail de réjouissance. Bâti folage. Incommensurable. Nouvelle France, vitalité des ténèbres. Les bartendes, le vendredi à 14h30 à CISM. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès.